On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un va être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos mères? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you love it. On the rocks. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel sur www.ontherocks.net et en rediffusion à Zef à Blois. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche les gars, wouh. Le 27 août dernier disparaissait Neil Casal qui s'est donné la mort. Et ça a fait deux lignes dans les grands, dans les médias spécialisés français. Ça a fait zéro moment dans les grands médias français d'information. Et pourtant, venait de disparaître, à mon avis, un des plus grands songwriters et un des plus grands artistes de notre époque. J'avais eu la chance, en 2004, de croiser sa route pour un entretien qui est figure dans son intégralité sur le site ontherocks.net. Sa disparition m'a bouleversé puisque j'avais rencontré à l'époque quelqu'un dont j'étais déjà fan, j'avais tous les albums et j'avais rencontré quelqu'un d'extrêmement intéressant, d'extrêmement humble, à la fois lumineux et torturé. Et bien ce soir dans On The Rocks, on va rendre hommage à Neil Casal pendant 2 heures. Si vous ne connaissez pas cet artiste, vous allez peut-être regretter de ne pas l'avoir connu de son vivant, puisque sur scène c'était quand même relativement émouvant, et puis sur album c'était magnifique. Donc ce soir dans On The Rocks, spécial hommage à ce grand artiste qui était Neil Casal. Et déjà à l'époque où je l'avais rencontré, il avait une trentaine d'années, c'était donc en 2004, et il sortait album magnifique sur album magnifique. C'était la fin de sa grande période de gloire en tant que songwriter et chanteur, et il était déjà un petit peu cabossé à l'époque, et je lui avais demandé si la musique pouvait être un remède contre la sinistrose, contre la mélancolie. Et donc il m'avait répondu ce que vous allez entendre maintenant, c'est-à-dire est-ce que la musique est un remède. Il faut que je sois très prudent quand je réponds oui, mais je crois que oui, ça peut l'être. En tout cas, j'ai l'impression que le plus dur est derrière moi et que j'ai passé la tempête, je suis passé à travers. Malheureusement, cette tempête allait le rattraper puisqu'il allait mettre fin à ses jours le 27 août dernier, à la surprise générale, on peut le dire. Donc voici une émission ce soir spéciale Neil Casal. Is music a cure? Well, it can be used as a cure. I don't know. I have to be careful how to say that. Yeah, I think I've gone through the worst of the storm, at least for now. Above you feel day. And when it's over, you will feel no pain. Pain, c'était Neil Casal ce soir pour ouvrir On The Rocks. Feel No Pain, c'est pas vraiment ce qu'ont ressenti des milliers de personnes à l'annonce de la mort de Neil Casal. C'était le 26 août dernier. Voilà, donc on était tous un peu tristes pour ceux qui ont croisé un jour la musique et la route de ce grand songwriter. Neil Casal a eu deux carrières et on a beaucoup insisté sur sa deuxième carrière au moment de sa disparition. En effet, depuis 2011, il avait laissé tomber un petit peu ses chansons personnelles. Il était devenu un guitariste très recherché et très couru, puisqu'il a d'abord été le guitariste du groupe de Ryan Adams pendant quelques albums, et puis ensuite il a été le guitariste attitré de Chris Robinson, c'est-à-dire le chanteur des Black Crowes avec son groupe Chris Robinson Brotherhood, et c'est ainsi qu'on l'a présenté dans les médias au moment de sa disparition, comme le guitariste de ces deux grands artistes. Et bien moi je tiens à mettre la lumière ce soir sur la première partie de sa carrière qui a été extraordinaire. Elle a duré quelques années. Elle a été entre 1995, au moment où on vient d'entendre ce morceau-là, daté de 1995, tiré de l'album Fade Away Diamond Time, son premier album, et puis jusqu'en 2011. Alors c'est vrai que les très très bons albums de Neil Casal, c'était surtout sur une dizaine d'années, entre 95 et 2004, et il avait dans sa poche et dans sa poche secrète, sa botte secrète, quelques ingrédients. D'abord cette voix cristalline, reconnaissable entre toutes, pourtant dans un style assez balisé, c'est-à-dire Americana, c'est-à-dire folk, c'est-à-dire des choses qu'on peut entendre beaucoup aux États-Unis, mais lui, il y mettait vraiment quelque chose dans sa voix de reconnaissable et de extrêmement sensible. Et puis un jeu de guitare limpide et des compositions à tomber par terre. Donc c'est ce soir que je vais vous proposer de découvrir ces compositions de Neil Casal. Et si vous doutiez encore à l'écoute de ce film No Pain, eh bien le reste normalement normalement on va vous convaincre. Voici Twilight on the Flute, toujours par le même Neil Casal, et ce soir on lui rend hommage dans The Rocks. This is Neil Casal and you're listening to Les Rocks, c'est tout à fond. Thank you. Is that okay? Yeah. Banks of the river spilling over this town. The rain ain't stopped for weeks now. It's gonna be one hot climb. Yeah. All I be misunderstood, but the sun was my undoing in the twilight on the flood. Everything that was not nailed down, and then they just disappeared. Doesn't it? All I ever wanted was to be misunderstood, but the sun was mine. Twilight on the floor. Casal, donc ce soir dans The Rock, c'est pour la, quasiment la quasi-intégralité de l'émission ce soir, avec ce morceau fantastique Twilight on the Floods. Et juste avant, c'était Feel No Pain, tiré en 1995 de son premier superbe album. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Fade Away, Diamond Time, compositeur, parolier, chanteur, guitariste d'exception, pianiste et photographe. Des photos absolument magnifiques. Alors, il avait énormément de photos sur son site. Elles ont été retirées à un moment. Et puis, il s'était marqué qu'elles allaient revenir bientôt. Bon, bah là, je pense que maintenant, c'est un peu cuit. Neil Casal, donc, nous a quittés fin août à l'âge de 50 ans. Voilà, il s'est pendu, pour être très direct. Et voilà, ça a été la stupéfaction générale. Il y a un concert en sa mémoire qui commence à se monter aux États-Unis. Et nous, on va replonger un peu en arrière avec 1996, maintenant son deuxième album. Le premier album, Fade Away, Diamond Time, était vraiment un album gorgé de rock américain, d'americana, de folk, de country, dans ce qu'elle a de plus belle. Eh bien, le deuxième album était un album beaucoup plus introspectif, peut-être un peu son Nebraska à lui. Il s'appelait Rain, Wind and Speed, avec une photo d'une belle voiture, je m'y connais rien en bagnole, mais une belle voiture en noir et blanc sur la pochette. Et on le voit à l'intérieur, jeune, cheveux longs, un peu le dos courbé et l'étui à guitare pas très très loin certainement. C'est un album quasiment entièrement acoustique, 11 titres, magnifique, vraiment je vous le conseille. Tous ces albums étaient sortis chez Fargo Records, qui avait défendu bec et ongle Neil Casal. Donc on va se passer deux extraits de ce deuxième album. D'abord Annabelle, et puis ensuite Hands on the Plow. C'est vraiment, voilà, si vous voulez avoir deux, trois albums de Neil Casal, celui-là doit rentrer dans votre sélection. Un album acoustique merveilleux, sensible, comme l'était Neil Casal, dont voilà, pour qui ce soir l'émission n'aura, enfin l'émission n'aura des yeux que pour lui. Voilà, je vais laisser la musique faire, hein, parce que c'est un petit peu laborieux sur les lancements. C'est pas grave, ça doit être l'émotion. Voici Annabelle et Hands on the Plow, Neil Casal, en 1996. It's 3 o'clock in the morning, and we're still here, and everybody's been talking about what went down this year. Annabelle, Annabelle, I wish you well. I hitched a ride to the desert Jack. I spent the night in his cabin without a care of coming back. Annabelle, Annabelle, I wish you well. It really came out of nowhere, in no time at all. I know it ain't my business, but someone's bound to take a fall. Annabelle, Annabelle, I wish you well. Now could you live a life without blood if you weren't on your own? And could you wave those diamonds goodbye if you weren't so far from home? Now you go to the mirror, but you can't trace the broken path of your lover, who ain't concerned with saving face. Annabelle, Annabelle, I wish you well. So say farewell to the flowers that brought you here, and say hello to your homeland. You're coming home again, my dear. Annabelle, Annabelle, I wish you well. I wish you well. Annabelle, Annabelle, could you live a life without blood? What is the main condition to write a good love song? There isn't one. There's no condition at all. Aucune. Il n'y a aucune condition. Ça peut être écrit en toutes circonstances. Et puis ça dépend du genre de chanson d'amour. Si tu parles des chansons d'amour les plus tristes, elles ont été écrites dans mes jours les plus heureux. I don't know. I've written some of my saddest songs and my happiest days, you know. Really, there's no. Vraiment, écrire et composer reste un mystère complet. It's completely a mystery. I never know. Je ne sais jamais quelle chanson viendra ensuite. C'est parfaitement imprévisible. Et quand tu écris une bonne chanson, c'est magique. Parfois, c'est du travail. Parfois, je sais que c'est une chanson médiocre et que c'est une chanson médiocre. Et bon, allez, je passe à la suivante. Je la termine et je passe à la suivante. Il n'y a pas de condition, pas de règle, pas une manière préétablie d'écrire une bonne chanson. Write a song that I know isn't that great. Just finish it, you know, just to get on to the next one. So. So that's really it. I mean, there's no condition, there's no rules, there's no way to predict a good love song. There is nothing I can say. Can't you see that they're gone? Can't you see that they're gone? 20 long years down the line was all that to show. A trail of coal dust left behind in the rain and the snow. You had to lay your body down. You had to lay your body down. Talked about the wind and what a friend it could be. They'd never hear from you again, and though it's hard to believe, you had to bring your brother home. You had to bring home. Oh, you to her door on a ship so far from home with only love as a law. She said you need to carry on. She's all you need to carry on. Thank you. êtes dans On The Rocks et ce soir on rend hommage au grand Neil Casal qui vient de disparaître à l'âge de 50 ans. C'était deux morceaux tirés de son album de 1996, Rain, Wind and Speed. On a eu Annabelle, il nous a parlé entre les deux. Oui, on aura la voix de Neil Casal qui viendra nous faire des petits commentaires comme ça lors d'un entretien enregistré en 2004. J'ai puisé dans cet entretien pour faire ces petites pastilles. Et puis il y avait Hands on the Plow à l'instant. Et ben oui, Neil Casal, il est dans la lignée de beaucoup de songwriters américains, de grands, mais lui a été vraiment très grand et il n'a pas eu peut-être le succès planétaire qu'il aurait mérité d'avoir. Mais c'est vrai que quand on écoute certaines de ses compositions et certains de ses albums, eh bien il est largement à la hauteur de gens comme Jackson Browne, à qui il fait penser assez régulièrement. Et voici Jackson Browne avec un petit souvenir, Take It Easy, morceau qui avait été popularisé par les Eagles. Et juste après, Neil Casal encore avec Still I Got You, un de ses sommets. Well, I've been running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four, they're gonna own me. Two, they're gonna stone me. One, said she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Now I'm standing on the corner in Winslow, Arizona. It's such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to have a look at me. Now come on, baby. Say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. Open up, I'm climbing in to take it. Sound of your own wheels drive you crazy. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. On a limb, I've been abandoned, thrown from ship. I've been run down by the man. but I'll do what I can. Still I got you, still I got you. And I've seen good times, and I've seen bad, and I've seen all of the latest fads. Now I hear these people talking their talk, the slightest problem they just up and leave. Well, but still I got you, still I got you. I ain't dead yet, but I still need my sleep. And I ain't ready to settle down. And I ain't lonely, but I sure like having you around. Well, still I got you. Still I Got You, c'était Neil Casal, un morceau qui avait été sorti pour un très très bon best-of de Neil Casal que je vous conseille, qui était sorti chez Fargo. Il en a sorti trois, le premier était probablement le meilleur. Il s'appelle tout simplement Neil Casal, Maybe California, An Introduction to Neil Casal. Et il y avait quelques morceaux inédits absolument fabuleux. On va continuer, on va faire un petit bond dans le temps avec encore un très bel album de Neil Casal. C'était celui de 1998. L'album s'appelait The Sun Rises Here, encore disponible chez Fargo, avec... voilà, c'est ces musiques qui sont chères également à Bruce Springsteen, hein. On peut retrouver un peu cet univers-là, peut-être plus dépouillé, plus mélancolique peut-être. Voici donc The Sun Rises Here, ça c'est le nom de l'album, et le morceau que j'ai exhumé de cet album c'est Reason. Voici donc à nouveau Neil Casal ce soir dans The Rocks avec cette émission hommage. Il y aura quelques autres artistes, mais franchement je vais essayer de vous faire découvrir celui qui a toujours eu des très très bonnes critiques pour ses albums solo et qui n'a jamais véritablement réussi à percer, en tout cas pas en Europe, et c'est bien dommage. Voici donc Reason. Et si vous avez envie de rouler en voiture, c'est normal. Gave you nothing, after you hear this song. And don't tell me that you don't remember the day it all went wrong. Just put the pieces all back together and tell me what it's like to let somebody do the breathing for you. And does it feel alright? Ce soir dans The Rocks, on rend hommage donc à Neil Casal, et à l'instant c'était James Iha, le guitariste, l'ancien guitariste des Smashing Pumpkins en 1998. C'était le morceau Beauty. Vous allez me dire, mais pourquoi dans cet hommage à Neil Casal, un guitariste des Smashing Pumpkins? C'est bien parce que Neil Casal a collaboré par deux fois, y compris sur cet album. Il a joué des guitares, il a fait des harmonies vocales sur cet album de James Iha. Voilà, on peut l'entendre sur ce Beauty, et voilà, il a collaboré avec beaucoup de monde, surtout au niveau guitare, puisque c'était un guitariste absolument somptueux. Donc il a joué avec beaucoup de monde, avec Mark Olson, avec les Jayhawks, avec Willie Nelson, Emily Loiseau, Lucinda Williams, évidemment Chris Robinson et Ryan Adams, on y reviendra. Il a posé sa guitare sur sa deuxième partie de carrière sur des albums de gens qui faisaient appel à lui, mais ce n'était pas ses compositions, et pourtant les compositions étaient bien moins bonnes que les siennes, celles qu'il a livrées entre 1995 et 2011, surtout entre 1995 et, allez, on va dire, et 2004, où c'était vraiment sa très très grande période. On va continuer donc avec Neil Casal et un album fabuleux. C'est l'album par lequel moi je l'ai vraiment découvert, c'était en 2001. C'est un album qui s'appelle Bassman Dreams, un album assez spécial, puisque sur cet album Neil Casal a mis des morceaux qui au départ étaient plutôt des démos, plutôt des pistes de travail, et il en a fait un album acoustique absolument splendide. Il est nimbé d'une lumière pâle et douce sur cet album. Il est de profil en train de jouer de la guitare devant une fenêtre. Ça renvoie une grande douceur, et tout l'album renvoie cette douceur et cette qualité. Il y a beaucoup de morceaux sur cet album, ils sont tous magnifiques. Il fait également chanter son père sur cet album, on y reviendra, et il m'en avait un peu parlé lorsque nous étions rencontrés en 2004. Voici donc deux morceaux tirés de cet album Bassman Dreams, qui est un de mes préférés vraiment, qu'on peut également trouver chez Fargo Records. D'abord peut-être un des plus beaux morceaux de Neil Casal, on se l'est déjà diffusé il y a 15 jours lorsque j'ai appris la mort de Neil Casal. C'est celui que j'ai eu envie de diffuser en priorité. Il s'appelle SoundCloud. Il est ressorti après dans une version un peu plus produite, moi je préfère largement cette version dépouillée. Ensuite, il y a son père, donc, qui chante au milieu. Son père chante le premier morceau de l'album et le dernier morceau de l'album. Ça s'appelle Dan Downstairs, et le dernier s'appelle Dad Again. Le père de Neil Casal est mort à peu près à cette période-là. Je pense qu'il a voulu graver sa voix sur CD avant qu'il ne soit plus là. C'est un événement qui l'a beaucoup marqué. Il s'est pris beaucoup de bûches, Neil Casal, beaucoup de coups de poing dans la vie, et il a eu du mal à s'en remettre. Il s'est toujours remis debout jusqu'à ce jour fatal du 26 août où il a mis fin à ses jours. Voici donc SoundCloud, tout ça c'était en 2001, tiré de l'album Bassman Dreams, que je vous recommande chaudement. C'est une véritable petite merveille. In my time, I have seen far too much. I've seen more than enough of my share in this world. And in my day, I've seen friends fade away, and I've heard people say there's no trust anymore. to get up in the morning. Oh, how I'd love to remain in bed. For the hardest blow of all is to hear the bugler call. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get up in the morning. Someday I'm gonna murder the bugler. Someday they're going to find him dead. I will amputate his reveille and step upon it heavily and spend the rest of my life in bed. I sung that with feeling. C'était SoundCloud et No One Said a Word de Neil Casal tiré du magnifique Basement Dreams. Le 19 août dernier, sur le Facebook de Neil Casal, il y avait une petite vidéo où on le voyait se filmer lui-même. Alors, si vous l'aviez connu il y a 10 ans, dans toute sa splendeur de sa jeunesse, ce jeune homme élancé aux longs cheveux, il était devenu un peu plus bouffi, il avait une longue barbe poivre et sel, et il appelait, il avait l'air très heureux, en tout cas, de produire et de collaborer au nouvel album de quelqu'un qu'il admire depuis longtemps, qui s'appelle Kenny Robbie, puisque Neil Casal était humble et avait l'admiration sans borne pour Kenny Robbie, et il était vraiment très très humble devant ses compositions. Il se sentait inférieur, je pense. Moi, je trouve que les compositions de Neil Casal sont largement supérieures, mais en tout cas, il allait produire le nouvel album de Kenny Robbie, et il disait qu'il était très heureux. Vous allez l'entendre, je vais vous diffuser cet extrait. Et pourtant, quelques jours plus tard, le 26 août, il mettait fin à ses jours. Donc c'était un peu la consternation et surtout la surprise générale, puisqu'il avait l'air vraiment enthousiaste à l'idée de collaborer et de produire cet album de Kenny Robbie. Donc on va se passer cette petite annonce assez stupéfiante avec le recul du 19 août dernier, et puis ensuite un morceau tiré d'un album qu'ils avaient sorti tous les deux avec des compositions alternées et puis des duos. C'était Kenny Robbie et Neil Casal, Black Riverside. C'est pas le meilleur album de Neil Casal, mais c'est un album assez sympathique enregistré dans les conditions du live. On va se passer un extrait donc de ce morceau, mais juste avant, voici Neil Casal tel qu'il parlait sur son Facebook. C'était il y a quelques jours, et surtout quelques jours avant son suicide. C'est parti, vous êtes dans The Rocks, et puis après il y aura un morceau de Kenny Robbie tout seul qui s'appelle Memories and Birds. Hi, this is Neil Casal, and I'm excited to tell you that I am producing the new record by a guy named Kenny Robbie, who is in my opinion one of the best songwriters to be found anywhere. Kenny's been making records for a long time on his own and with his great band called Six String Drag. This will be a solo record. He has an incredible batch of songs assembled here, and we have a great group around him, consisting of Jeff Hill on bass, who's played with me in the Chris Robinson Brotherhood and many other bands, two amazing New York musicians, a guy named John Lee Shannon on guitar, and a drummer named Arthur Vint. We're recording the record in a studio called Panoramic. It's in Marin County, California. It's where a lot of today's best groups like to record. I really believe we have a classic on our hands here, and we're looking for some help with this record. All right. Happy. Yeah, let's do anything. Let's do it. Pass you throughout his old land. The way of the town don't sit on one man. Trapped inside 1996. A brand new face and old bag of tricks. A gentle breeze whispers through my thoughts. A guilt on my mending broken. I'm tired of feeling guilty. It's hurting you and it's killing me. This time I think I'll let it be. I'm tired of feeling guilty. Miss my old friends and I miss my folks. I'm still a sinner and I'm still the ghost. Lost my faith to be forgiven. My mama told me that illegal men. I'm tired of feeling guilty. It's hurting you and it's killing me. This time I think I'll let it be. I'm tired of feeling guilty. Whoa, whoa. I'm tired of feeling guilty. It's hurting you and it's killing me. This time I think I'll let it be. I'm tired of feeling guilty. Oh, every time I'm blue, and all because of you, and every wrong I see, and all been caused by me, just 'cause you don't want me, ain't no reason to feel guilty. Kenny is like, he's one of my favorite songwriters, so I'm a little bit intimidated. Idole de Neil Casal à qui nous rendons hommage ce soir dans On The Rock, c'était Kenny Robbie, d'abord avec Neil Casal avec le morceau Guilty et puis juste après avec Memories and Birds en solo. Kenny Robbie a posté un message où il appelle à continuer à faire des dons puisque c'était le dernier message de Neil Casal, appelé aux dons, à un financement participatif pour financer l'album de Kenny Robbie. Et il va y avoir un concert le 26 septembre prochain en hommage à Neil Casal, avec plein de monde sur scène, tous ses amis, tous les gens avec qui il a participé. Ça risque de faire une grande scène. Et puis, Neil Casal n'a jamais été avare de reprises, en tout cas sur disque, puisqu'il a même sorti un album qui s'intitulait Return in Kind, un album plutôt composé de morceaux pas forcément très connus, de groupes pas forcément très connus. Très très bel album. C'est par cet album-là que je l'ai rencontré. Et d'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai rouvert ce CD que j'avais pas écouté depuis longtemps, et j'ai eu un frisson puisque sur la page de gauche de son écriture et de sa main, il y a son adresse postale. Alors voilà, je lui avais envoyé l'émission un exemplaire à l'époque de l'émission que j'avais diffusé en 2004, et donc j'ai son adresse de sa main. Ça m'a vraiment fait un petit frisson. Il y a pourtant deux morceaux assez connus que Neil Casal a repris, qui ne figurent pas sur cet album. On se passera une belle reprise de Johnny Thunders ensuite, mais il a repris deux morceaux de façon assez étrange. Les reprises sont inférieures à l'original, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur l'album Return in Kind, où les reprises sont magnifiques. D'abord, le Wishing Well de Terence Trent D'Arby. Alors, c'est très étonnant, il le reprend de façon plutôt pépère, tranquille, sans les coups de rein et sans les grognements de Terence Trent D'Arby. C'est plutôt hamac, c'est une version hamac et petite mentalo, cette version de Wishing Well. Et puis ensuite, il nous parlera un peu de l'art des reprises, justement, et de la différence entre les reprises et les compositions. Et puis, on enchaînera avec une reprise d'un titre des Beatles, I'm Only Sleeping, pareil, un peu neurasthénique. C'est pas les meilleurs morceaux de Neil Casal, mais ce sont deux petites curiosités que je vous propose de découvrir. On va y aller. By the hours since Valentine's. On jouit d'une certaine liberté quand on chante les chansons des autres. Parce que quand tu écris une chanson toi-même, ta propre chanson, tu es toujours dans l'autocritique. Tu critiques chaque mot écrit, chaque note jouée, et tout ça te prend la tête. Donc enregistrer les chansons des autres te libère de ça. Mais en général, je préfère quand même chanter mes propres titres. C'est tellement plaisant d'être un songwriter. Il n'y a rien de meilleur que d'écrire une bonne chanson. Mais c'était marrant de faire surprise, une expérience joyeuse. When you write a good song of your own, there's nothing better than that. But it was fun to record these cover songs. It was a completely joyful experience. Otherwise, I wouldn't do it. So. Casal chantait du John Lennon, époque Beatles, c'était I'm Only Sleeping. Et voilà, on va se passer un extrait de son album dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelait Return in Kind. Il y avait des reprises de Jane Clark, des Faces, d'artistes dont je n'avais jamais entendu parler, comme Love as Louder, jamais entendu parler. Mais très très beau morceau et très très belle reprise. J'ai choisi de vous diffuser celle de la reprise donc de Johnny Thunders, qui s'appelait It's Not Enough, qui est une très très belle version par Neil Casal, fort inspiré. Et puis juste après, encore une reprise, cette fois de Dylan, mais Neil Casal tient la guitare, et c'est ce qu'il fera pendant la dernière période de sa vie, de 2011 à 2019, donc avec Chris Robinson Brotherhood, le groupe de Chris Robinson, le chanteur des Black Rose, qui se sont séparés juste après, juste à la fin de leur dernière tournée, et apparemment Neil Casal l'a pas très bien vécu, cette séparation. Alors on cherche toujours des explications à un geste, on parle d'une histoire d'amour un peu toxique, on parle de cette séparation de Chris Robinson Brotherhood qui a eu lieu, voilà, il a donné un concert avec eux 2 jours avant sa mort, donc voilà, des interrogations subsistent, mais en tout cas, voici la version de It's Not Enough de Neil Casal. C'était sur un album qui date de, si je ne dis pas bêtise, attendez, je regarde, 2004. Ah oui, ça fait un petit paquet d'années, ça fait 15 ans. cette fois, Neil est au piano. You can give me this. You can give me that. You can give me this. You can give me that. It's not enough. It's not enough. Your money's so green, so casually seen. It don't bother me. You know it don't bother me, because it's not enough. It's not enough. I walk down, I can get whatever I want, I just lay my cards down. You can give me diamonds and rubies. It's not enough. It's not enough. Everything that I go through, every street I walk down, I can get whatever I want, I just lay my. You can give me diamonds and rubies as well. Oh, big deal, baby, 'cause I still feel like hell. It's not enough. It's not enough. It never has been enough. Will be C'est la guitare de Neil Casal au service du morceau de Bob Dylan, It's All Over Now, Baby Blue, et de la voix de Chris Robinson, ex-chanteur des Black Rose avec qui il a terminé sa carrière. Ce soir dans The Rocks, on rend depuis le début de l'émission hommage à Neil Casal qui nous a quitté. C'était fin août et on jette un œil dans le rétroviseur à sa fantastique carrière solo qui n'a pas eu le succès mérité, qui j'espère... malheureusement, des fois, la mort d'un artiste, surtout une mort aussi violente, des fois met en lumière ce qu'il a fait. Eh bien, la lumière va peut-être se poser sur un album qui est sorti. C'était en 2000. L'album s'appelait Anytime Tomorrow et c'était un album absolument fabuleux, jouissif. Et voilà, ça a apporté vraiment de la joie de vivre, cet album de Neil Casal, avec une production superbe, des morceaux plein d'énergie, plein de vitalité. On va se passer deux extraits de ce morceau, de cet album, pardon, qui à mon avis est un des meilleurs de Neil Casal, avec Basement Dreams peut-être. On va se passer le morceau qui s'appelle Willow Jane et ensuite enchaîner avec Fell on Hard Times. Ça fait partie de mes compositions favorites de Neil Casal. Rock, c'est tout à fond. I'm fine. places that burn and barns that lean down as far as my memory reaches. Since I fell on hard times, I haven't known where to go. I thought I might have seen a sign. Just a habit, if I'm just a fool, thinking life ain't worth living. Since I fell on hard times, and no one knows just what lay in store, and no one knows just what we're in for. Living life alone in these hotel ships like airships. Since I fell on hard times, I ain't been feeling that good. I tell the world that I'm fine. I'd change it all if I could. Yeah, I would. I sold my green leather jacket. Casal avec deux perles tirées de son album Anytime Tomorrow. C'était d'abord Willow Jane et ensuite Fell on Hard Times. Il y a un autre titre sur cet album qui est un titre un peu plus cool qui s'appelle Too Much to Ask. C'est le morceau qui clôt l'album. Et à l'époque où j'ai rencontré Neil Casal en 2004, il me disait que c'était son morceau préféré. Eh bien, on va se passer cette version de Too Much to Ask, mais pas celle, pas la version de l'album, mais une autre version enregistrée en France. Neil Casal a donné une série de concerts en France en 2003. Il était tout seul avec sa guitare acoustique ou son piano. C'est là où je l'ai vu sur scène la première fois que je l'ai rencontré, non pas pour une interview, mais pour aller causer un peu avec lui après le concert. C'était dans un lieu magique à Orléans qui s'appelait le Katz, bien bien joué, Monsieur Dufaux. C'était le caveau des Trois Maris, mais version 4, c'est-à-dire une cave voûtée absolument magnifique, je crois du 12e. Je suis peut-être en train de dire une bêtise. Mais en tout cas, c'est un endroit qui, dans lequel il n'y a plus de concert, malheureusement, à Orléans. Et il avait été absolument enchanté par le lieu, enchanté par l'atmosphère du lieu. Il m'avait dédicacé l'album Basement Dreams en marquant Thank you Manu for the pins, c'est-à-dire la chair de poule. Voilà, il a vraiment eu la chair de poule ce jour-là. Eh bien, on va se passer Too Much to Ask, tiré de cette tournée acoustique. Alors, le son est une prise de son Fargo Records, qui avait sorti ce petit CD pour les fans. Eh bien, j'en étais. Voici donc Neil Casal qui nous parle un peu de sa meilleure chanson et pourquoi c'est sa meilleure chanson selon lui. Je choisirai la chanson Too Much to Ask sur mon disque Anytime Tomorrow. Je pense que c'est une des meilleures chansons que j'ai jamais écrites. Les paroles sont fortes. Depuis des années, j'essayais d'aller au cœur des choses essentielles. Pour moi, il m'a fallu quelques albums pour atteindre ce but. J'ai quelques chansons qui sont bonnes, mais si je devais n'en choisir qu'une, ce serait celle-là. Of my life, you know, and the heart of the things that I wanted to sing about and the things that were important to me. And I think with that song, I reached it. It took me a few albums to reach it, but I finally did. So I have other good songs too, but if I had to play one song for someone, it would be that. It doesn't matter to me, just send me your love. 'Cause I'm leaving as the crow flies, I'm coming, we don't even need to talk. Gonna just let it rain. And there's so much I could bring. But is it too much to ask of you? And am I moving too fast? Did I come back too soon? Is it too much to ask of you? I was unaware that I was actually, I had finally reached this point as a J'ai atteint ce stade de songwriter qui ressemble à une mine d'or ce jour-là. Mais à l'époque, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Tu peux pas être clairvoyant si tu contrôles tout. Ça ne sera pas bon. Les plus belles choses te viennent lorsque tu regardes ailleurs. Après coup, tu garderas en arrière et tu diras, c'était un des meilleurs moments de ma vie. When you don't know it, you can look back at it later and say that was the greatest moment of my life. But at the time, you just mais à l'époque, tu ne le sais pas. You can't try again. Yeah, you only écrire une chanson est parfois un travail, et ce travail te permet d'atteindre ton but. C'est comme les exercices physiques. Tu t'entraînes, tu te fais mal, mais un jour, tu t'aperçois que tu es plus fort. Tu t'aperçois que tu es plus fort. Au départ, tu souffres pour faire une pompe et puis un jour, tu en fais 30. Composer, c'est pareil. Parfois, c'est mauvais, mais si tu persévères, tu atteins un point magique. Pour moi, ce fut le titre Too Much to Ask. Au bout de 10 ans, j'ai reçu ce cadeau. Oui, c'était un cadeau offert par ma persévérance à moi-même. It's not so good, but then if you just work hard enough at it, you'll reach that magical point, you know. That's what happened with Too Much to Ask, because I've been writing songs for over 10 years, and finally, I was given a gift, you know. It was like a gift for my perseverance. Sometimes oranges aren't sweet. Sometimes the sun's not golden, apples red in an orchard. Always cast my hazel eyes down. Oh. Brings me back to you. Oh, brings me back to you. We ain't from the sea, cooked in butter and steam, washed it down with cold brown beer, then we fell asleep. Whoa. It brings me back to you. Whoa. It brings me back to you. Couple days. Sunbeam, silence, granite walls and waterfalls that won't flow until the thaw. And whoa, it brings me back to you. Whoa. Brings me back to you. Yes, brings me back. En 2002, Neil Casal sortait un album de duo, encore un, cette fois pas avec Kenny Robbie, mais avec une chanteuse, Shannon McNally. L'album s'appelait Run on Pure Lighting et c'était un extrait de cet album avec ce morceau assez fantastique qui s'appelle In My Mind, d'une épure incroyable, écrit, produit, c'est lui qui joue de l'instrument, du piano. C'était tout Neil Casal qui faisait ce morceau, sauf la très très jolie voix de Shannon McNally, qui n'a pas hésité à dire sur les réseaux sociaux que c'était une bien triste journée que ce 26 août qui a vu la mort de Neil Casal. Neil Casal était quelqu'un d'assez éclectique. La dernière partie de carrière et ses derniers enregistrements sont avec un groupe qui s'appelle Circles Around the Sun, qui va sortir un album d'ailleurs, qui avait été bouclé juste avant sa mort. Avec, ce sont des grandes expérimentations psychédéliques assez pénibles, je dois dire, qui ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on vient d'entendre et à ce qu'on a entendu ce soir. Et puis, il a eu également un autre groupe, un power trio, ils étaient donc trois, bravo, power trio donc, qui s'appelait Easy Malaise, qui l'a vraiment délaissé un peu l'americana, un peu tranquille, comme on a écouté beaucoup ce soir dans l'émission, et qui lorgnait du côté d'un rock un peu plus velu, un peu à la Black Rose, justement. On va se passer deux extraits d'Easy Malaise, et c'est encore Neil Casal qui joue, qui produit, qui écrit les morceaux. Voici Corinna et Got My Wings, tout ça tiré du deuxième album sur trois des Easy Malaise. I'm she gets me back. She gets me back. Gonna stay just as long as it takes, because she gets me high and keeps me high. And it's good, yeah, it's good, yeah, it's good, man, it's good. It's good because she gives it all away. Yeah. Got my wings, she's the finest thing. She always sang it. C'était le versant plus rock de Neil Casal avec Got My Wings. Et juste avant, Corinna, j'avais prévu de vous passer encore plein de choses. Un duo entre Ryan Adams et Neil Casal. Voilà, un extrait de son dernier bon album en date. C'était l'album qui datait de 2014. Alors combien il est de quand celui-là? Attendez que je ne dise pas de bêtises. L'album Roots and Wings, je sais. Je vais une grosse bêtise, je ne sais plus. En tout cas, voilà, je n'aurai pas le temps de tout diffuser ce soir. On va se passer deux extraits live tirés de cette tournée de 2003 en France, avec le morceau Maybe California dans une version épurée, et puis To Look for You, magnifique morceau au piano. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce soir. J'espère que ceux qui aiment Neil Casal ont apprécié, ceux qui ne l'aiment pas l'ont découvert. Et plongez-vous dans sa discographie, c'est une grande perte pour la musique, mais c'est peut-être une occasion de redécouvrir son œuvre en solo. Et puis allez, peut-être qu'après ces deux morceaux live, on aura l'occasion de se diffuser un dernier petit morceau. All right, this song is called Maybe California. It's the name of this record that's out now and all that good stuff. So here it goes. He spent his life like a dollar. He lived it fast and he lived it free. And he took his time until he found one. Farther than all our eyes could see. So maybe someday, maybe somewhere I'll see you in the blue Kentucky hills, or maybe California. Mm-hmm. never worked for too long. But he was just best to believe in a stolen line from an old song, or maybe saving some lost melody. So maybe someday, maybe somewhere I'll see you living in those Georgia pines, or maybe Sedona. So may these pages bring your words to life, man. I'll begin on some quiet night. And don't forget the old times, my friend, 'cause you know they were good times. Never knew where the end was, or even if he had lived to see or hear again from another. Treat him just like some memory. So maybe someday, maybe somewhere I'll see you in the blue Kentucky hills, or maybe California. So maybe someday, maybe somewhere I'll see you living in those Georgia pines, singing an old song. Let's see, all right. Waiting for someone to come to my door to help me remember why I'm here. A face from a left on my floor has told me this story so unclear. To look for you, to follow through somehow. I gotta hurt the love known before, and gone are my friends from long ago. Above the red blue, there is no star at all. Around them is nothing that I have known. To look for you, to find. The crowd was very nice. We had a good show, played good music. It was enjoyable. Had some good wine. The bad news came in the middle of the night. Ainsi se termine l'émission spéciale Neil Casal. On va se renvoyer un dernier petit morceau le temps que Rémi cale un petit peu tout son matériel. Et puis, ça sera l'arrêt d'arc du sport. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale, une interview de Mystic Braves. On reviendra un peu sur le festival au Pop-Up. Et puis, voilà, plongez dans la musique de Neil Casal. N'hésitez pas. On va se diffuser pour finir. Derrière ma voix, c'est le morceau The Very Last Time. Mais on va se diffuser plutôt le morceau qui s'appelle Fremont Row, qui est un véritable petite merveille. C'est parti. Setting saddles in a slow burn down an old dirt road. Life has always been a slow turn, but why I just don't know. I've always needed someone that I could hold on to. I've always needed someone like you. Packing bags in the back room into a leaving trunk. I guess you've always wondered if I knew where you were coming from. I've always needed someone I could bow down to. I've always needed someone a little more like you. You tell me that it wasn't much to leave behind. You tell me that it's all because of one thin white lie. The girls are talking to themselves again down on Fremont Road. They say they're leaving, but they don't know when. They've never felt this low. They've always needed someone they could look up to. They've always needed someone like you. I heard about the things that you'd said when I was far away. I see now that I was misled, but honey, that's okay. I've always needed someone I could stand up to. I've always needed someone a little more like you. You tell me that you're gonna find it in your heart this time. You tell me that nobody's ever gonna rob you blind. Setting saddles in a slow burn down an old dirt road. Life has always been a slow turn, but why I just don't know. I've always needed someone I could hold.